Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Donc vous pouvez toujours appeler au 0803-08-5000 et 3615 code Fun Radio, rubrique directe. Je sais pas si le Minitel marche, Manu, ouais, oui. Si, il marche. Et toujours www.frfunradio, c'est Rigaud qui vous attend. Pardon. Donc premier débat qui va porter sur l'espace en moyenne. Pardon. Un peu sur tout. Donc on accueille pour ça Comet, 26 ans du Havre, qu'on peut écouter Fun Radio sur 106.9. Allô? Allô. Bonsoir Comet. Non, c'est pas... Non, Comet, j'ai encore au standard, excuse-moi. Ah bon. Gérard. Alors, Gros Spoutnik, 23 ans de Verdun, 93.9. Oui, tout à fait, 93.9. Bonsoir GG. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Petit Omni, 24 ans Paris, 101.9. Bonsoir à toi, Gérard. Bon, bonsoir. Et Petit Gus de 25 ans de Lille, 96.8. Oui, bonsoir GG, bonsoir. Et Comet, on l'a ou on l'a pas? Ouais. Commencez pas là, tous les deux là-bas. Non, là c'est bon, j'ai dit, bonsoir. Et Comet, 26 ans du Havre, 106.9. Salut Gérard, salut l'équipe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Salut l'éditeur, bonsoir. Bon, allez, on attaque la première question. Aimeriez-vous aller dans l'espace, si oui ou non, pourquoi? Donc on va demander à Petit Omni. Ouais, moi j'aimerais bien aller dans l'espace parce que je voudrais bien découvrir en fait ce qui se passe là-bas. Mmh. Connaître un peu de monde, tout ça quoi. Ouais, ça me plairait bien. Ouais, je veux dire, ouais. Mmh. Gros Spoutnik. Ouais, bah écoute, moi pas trop parce qu'en fait j'ai un peu le vertige. Donc déjà j'ai le mal de l'air, j'ai la trouille en avion. Donc je pense que tu vois, navette spatiale, je risque d'être malade. Donc a priori, je pense que je vais éviter les voyages interstellaires pour l'instant quoi. D'accord, Comet. Bah moi en fait, j'ai vu pas mal de fusées qui ont explosé à la télé et ça me le fait. Bah il y en a qu'une qui a explosé et je sais plus quand est-ce que. Alors il y en a plusieurs. Ouais, y en a non. Plusieurs. Deux. En plus. Mais c'était lesquelles? Une bonne vingtaine. Même. T'avais, non, attendez les auditeurs s'il vous plaît. T'avais Challenger. Ouais. Et l'autre c'était laquelle? C'est Supo 3 je crois. Ouais. Non, Spoutnik. Supo 3 dans tes fesses, il a explosé. C'est ça, t'as raison. Commence à dire des conneries. Il a fait des éclats partout, c'est dégueulasse. Donc qui c'est qui est... c'est Comet qui me disait ça. Ouais, donc je te disais que ça me faisait flipper de monter dans une fusée parce que j'ai peur qu'elle explose, donc je suis très bien sur Terre en fait. D'accord. Petit Gus, pour terminer. Ouais, bah alors moi je compte pas du tout aller dans l'espace puisque je suis claustrophobe. Et donc, De quoi je suis claustro, donc aller dans l'espace, ça me tente pas du tout. Mm-hmm. Parce que j'aime pas les petits espaces. Mm-hmm. D'accord. Pour aide. Donc, pour en finir, moi j'aime pas trop l'espace, donc je vais vous dire ce qui s'était produit là en 69 exactement. Le premier homme à marcher sur la Lune, c'est Neil Armstrong, suivi de Dewin Aldrin, c'est, je sais même pas si c'est bien prononcé, mais c'est pas grave. Ça fait 3 ans qu'on attend l'info. Debout les mecs, tout le monde debout, merde. Vous la connaissiez hein, déjà l'info de Neil Armstrong. Gérard, faut que tu mettes quelques points sur les i avant de, tu m'écoutes, ouais. Avant de continuer le débat, parce que tu parles de l'espace et faudrait que tu précises que on va pas parler du monospace. Ah non, on parle pas des voitures, hein, on parle que de l'espace. Voilà. Et il y a beaucoup de gens sur l'IRC, ils te demandent, qu'est-ce qu'il y a dans l'espace? C'est quoi l'espace? Ben l'espace, c'est des airbags, t'as la direction assistée. On parle pas des voitures, Fuldar, s'il te plaît, tu commences pas à foutre ta merde, merci. Donc, ce qu'il y a dans l'espace, c'est des étoiles, et puis tout ça, ils réparent des satellites qui sont déjà là-haut depuis longtemps. Mais il y a quoi, ça se touche l'espace, c'est quoi? Non, c'est dans l'air. C'est de l'air. Bah ouais. Ah ok. Voilà. Alors un petit sondage. Où peut-on conquérir l'espace? Non, c'est pas sur cette question-là. Bon bah c'est pas grave. Dès que je trouverai ça, je pourrai vous le dire. Non mais commence par le premier. Le premier, je crois qu'il est sympa. Êtes-vous pour ou contre la conquête de l'espace? Bah, ouais, mais ça, est-ce que vous voulez aller dans l'espace et la conquête de l'espace, c'est pareil. Hein. Alors donc 62% préfèrent la conquête des cons. Ça c'est bien de pas mettre ça. Non, alors la conquête des cons. Ouais, mais c'est pour ça qu'on avait bien précisé d'arrêter de mettre des gros mots comme ça. Donc c'est pas un gros mot, conquête, ça va. Hein. Ouais, mais con, si quand même. C'est champion olympique de natation. Enfin bref. 34% pensent que ça coûte trop cher, ça c'est vrai, et je pense que je vais sûrement pas. Non, on l'a retiré la question. Ouais. Dommage. 21% sont restés à l'époque de la conquête de l'Amérique. Ouais. Et 17% des gens me demandent si je suis un des frères Bogdanov. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as pas de frère, toi, de toute façon? Non. T'es unique un peu. Ouais. Alors, combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? On va demander à Conquête. Et en précisant qu'ils l'ont dit à midi, c'est pour ceux qui ont écouté les informations. Donc, Tu dormais pas à cette heure-là, toi? Non. Eh ben. Non, il était pas couché encore. Non, je me suis pas couché de la journée, tu vois. Voilà, tu vois. Voilà, donc c'est alors, Conquête. Comète, pardon. Ça peut durer de 10 minutes à toute ta vie, quoi. Ça dépend si tu te perds dans l'espace avec tes compagnons. Tu peux errer indéfiniment pour retrouver le chemin de la Terre, quoi, c'est tout. Ouais. Ouais, je pense. Deux minutes, je pense pas. Si tu veux dire deux minutes dès que ça vole, dès que la fusée vole et puis qu'elle explose comme il s'est produit il y a un peu de temps là, bout de temps. Dès que t'es dans le pesanteur en fait, c'est dans l'espace quoi. D'accord. Gros Spoutnik. Ouais, écoute, moi je sais que Ulysse 31, il a erré pendant des années et des années avant de rentrer chez lui dans l'espace. Tu vois, c'est ce que je disais. Ouais, et je sais que les frères Igor et Grishka Bogdanov, ils ont bien galéré aussi. Ils sont pas redescendus. Ouais, il y en a un qui est pas redescendu, des deux. Bon, ça suffit, gros Spoutnik, de préciser des noms comme ça. Hein. Non, mais il s'appelle Igor et Grishka, tu vois. C'est ouais, mais c'est bon, on n'a pas besoin de préciser. Le nom de Clébar, tu vois. Ouais, c'est ça. Rigo. Oui, donc il y a Yankee NASA qui te demande si c'est toi qui as écrit. On a marché sur ma lune. Non. Non, on a marché dans ma lune. Ouais. Non. J'ai rien écrit du tout. Ça, on le sait. Ça, c'est clair. Petit ovni. Ovni, pardon. Ouais, en fait, c'est assez compliqué puisqu'il y a un décalage horaire, tout ça, donc on n'a plus la même notion du temps. Mm-hmm. Donc, je pourrais pas répondre. Non, mais ça, c'est vrai que. C'est pas la même chose. Hein. Ah ouais, mais si, tu peux quand même répondre. Combien de temps peut durer un voyage dans. Je sais pas, je connais pas la notion du temps dans l'espace, en fait. Mm-hmm. Donc, tu n'as pas suivi les infos à une heure. Je suis en cours. Gérard, est-ce que le temps est plus long ou moins long qu'en France? Il est plus long dans l'espace. On a une lumière là-bas. Ah ouais, c'est un peu plus long qu'en France. Hein. Gérard, et comment ça se fait? Est-ce que tu peux te faire cryogéniser pour durer plus longtemps? Comment ça? Tu sais, on t'enferme dans la glace, comme ça tu peux durer des siècles. Non, n'importe quoi, là. Tu me dis n'importe quoi, je sais pas qui c'est, mais tu es en train de me dire n'importe quoi. Non, mais c'est un système. Ah, GG, c'est vrai que chez toi, le parasite d'alien, il sait plus, donc il est resté depuis 38 ans. C'est qui vient de dire ça? C'est vrai qu'il s'est planté dans ton cou, parce que, bon, voilà, quoi. Alors, petit Omni, au revoir. Mais il va sortir, hein, t'inquiète. Petit Omni, au revoir. Il va bientôt. Petit Omni, tu lui dis au revoir. C'est pas petit Omni. Alors, c'est gros. Ah ouais. Alors, c'est gros Spoutnik. Non. Si, c'est gros Spoutnik, tu lui dis au revoir. J'ai reconnu la boîte pédale de Rodrigo. Hein. Attention, parce que celle qui s'amuse à insulter Rigo, ça va être pareil. Mais non, elle a dit Rodrigo. Rien à voir. Et sinon, vite fait, sur IRC, il y a un certain fesse de babouin, je sais pas si c'est le vrai, il fait remarquer aux auditeurs que s'il y a un sujet dans lequel tu es incollable, c'est bien celui des conquêtes spéciales. C'est-à-dire conquêtes spéciales. Tu peux préciser. Ils précisent sur le Minitel, en fait, ils disent que t'attrapes tout et n'importe quoi. Moi, ça m'étonnerait. Donc, petit Gus pour... Il précise, il dit Carole, Christine, Sandy. Ouais, il arrête, lui. C'est le même. Alors, lui, il se calme. OK. Mais vous arrêtez, là, tous les deux, au standard, là, ou quoi? Oh, il se caresse la bite. Non, mais ce qu'elle fait, elle est en train de parler aux auditeurs en leur disant au revoir. Non, je lui dis au revoir, je l'ai jamais. Ouais, puis toi, t'as pas besoin de te machiner les pompes pour que ça pue après. Okay. Ouais, ça, c'est clair, ouais. Alors, Cotigus, pour terminer la question. Ouais, un voyage dans l'espace, déjà, tout dépend ce que tu vas faire. Ça peut durer une journée, comme ça peut durer trois semaines. Si tu vas explorer des grands trous noirs, comme par exemple, toi, t'as l'habitude de faire, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, Cotigus aussi, au revoir. Non, mais Gérard, sérieusement, tu sais ce que c'est? Un trou noir? Non, mais je lui dis au revoir parce que c'est ce qu'il a voulu dire. Gérard, non, mais ça existe, les trous noirs. C'est pas ce que c'est? C'est pas ce que c'est, un trou noir dans l'espace. Alors, dis. C'est un trou. Allez, hop, tu lui dis au revoir aussi. Non, mais c'est un endroit dans l'espace où en fait il n'y a rien. Non, tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir, c'est pas la peine de le soutenir, on lui dit au revoir, terminé. À la place de Gros Spoutnik, on accueille Captain Kirk, 32 ans de Amiens. Ouais. Salut, Captain Kirk. Eh, mais je suis encore à l'antenne, c'est mortel. Bonsoir. Ouais, non, mais tu le vires, toi, petit Gus. Ah, c'est bon. Alors, Kirk, ouais, d'où... Pas bien, bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît? 98.2. Ok. Alors, donc, pour toi, la question, tu l'as entendue, non? Ah non, désolé. Alors, donc, c'est combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? Je connais pas très bien les chiffres, mais il me semble que ça dépend où tu vas aller, en fait. Si c'est la Lune, j'ai vu un documentaire sur ça à Arte, mm-hmm. semble que c'est environ 2 heures. Non, je vais te couper parce que je vais te dire tout de suite que non. Parce que là, j'ai vu un décollage d'une fusée, je sais plus dans quel... Décalcage, on dit. Hein. Il y a eu un décollage d'une fusée là aujourd'hui à 13h et je sais plus sur quelle station qu'elle a décollé, si c'est Kourou ou autre. J'allais sur Mir Express. Et donc eux ils partent là pour à peu près une dizaine de jours, voire 15 jours à la rigueur, même 3 semaines ou des mois. Je vois, il y en a qui sont partis pour 6 mois. Il y en a encore là qui sont sur une station Mir, que ça fait déjà plus de 3 mois qu'ils fait plus de 6 mois qu'ils y sont. Ils vont pas rentrer peut-être avant la fin de l'année s'ils arrivent à réussir à remettre les faisceaux horaires que la station Mir a cassé. Ah, d'accord. Les faisceaux. Donc normalement ça peut durer, ça dépend des réparations qu'ils ont à faire sur les stations Mir. La station Mir c'est une poubelle, hein. Non mais ça là-haut sur là où que je te parle où qu'il y a les faisceaux horaires à réparer, donc il y a 3 Américains, il y a un Canadien, un Belge. Non, il n'y a pas de Belge, et je crois qu'il y a un Français, je crois, dedans. Donc voilà, t'as raison, fous-toi bien de ma gueule aussi, toi, Comet. GG, à la place de petit gosse, on accueille Monsieur Splotch, 28 ans de Laval. Monsieur Splotch. Oui. Bonsoir, c'est Monsieur Splotch, Laval 98.1. Tu l'avales bien? Je l'avale entière. Est-ce que tu connais Star Turk? Oui, tout à fait. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Je salue le capitaine Kurde, d'ailleurs. Splotch, tu veux répondre à la question? J'ai pas tout à fait saisi dans la mêlée, en fait, le sens de la question. Combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? Moi, je dirais à peu près le temps d'une révolution terrestre, à peu près, hein. A priori, 365 jours. Mm-hmm. Ouais, c'est une moyenne. Hein, ouais, c'est bien ce que j'ai dit juste avant. On peut extrapoler les chiffres. Hein. Ouais, mais c'est bien ce que j'ai dit juste avant que tu viennes à l'antenne. Donc, Et tu marches sur l'eau aussi? Non. Okay. Rigaud, une question IRC avant de poser la troisième. Oui, à Babar El Barbe, il te demande si c'est vrai que tu as été refusé pour le casting de E.T. parce que tu étais trop laid et que tu faisais peur aux enfants. Non, pas du tout. Alors lui, si c'est pour me dire des conneries comme ça, c'est pas la peine du tout. Voilà. Alors, troisième question. Avez-vous assisté à un décalage d'une fusée? Donc, on parlait de... Un décalage De la station... Du cachiche. On a parlé de la station Kourou, mais l'autre, je sais pas où qu'elle se situe. Bon, vous arrêtez, s'il vous plaît, les auditeurs, parce que tout à l'heure, ça va se terminer, que je vais tous vous virer. Non, mais là, on se pose une question, là, sur... Oui, Tony, t'as raison. On se pose une question, Tony. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, Tony. Non, c'est pas Tony, presque pas. Vas-y, trace. C'est pas lui, vas-y, continue. Ouais. Donc, avez-vous déjà assisté à un décollage d'une fusée? On va demander à Comet. La télé, ouais. Plein de fois, mais en vrai, non, parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller à Cap Canaveral, quoi. Ah, voilà, c'est Kourou et Cap Canaveral, c'est oui, ça? À Kourou, ouais. Non, mais ça, pour aller là-bas, de toute manière, c'est des pays... Non, c'est des pays en voie de disparition. Attendez, s'il vous plaît. Je voulais savoir justement pourquoi ils avaient choisi ces pays-là pour les faire partir de là, les fusées. Ben, parce que c'est là où il y a le plus de place pour qu'ils puissent décoller, parce que tu peux pas les faire décoller sur des petites régions, Paris ou autre. Hein. Et c'est quel pays alors? Je crois que c'est des... Antilles. Ouais, la Guyane. Et Gégé, qu'est-ce que tu penses de la destruction de la forêt amazonienne pour faire décoller des fusées? Tu trouves pas ça dégueulasse? Antilles. Quelque part? Ouais. Non, mais attends, c'est pas le thème du débat. Non, on parle pas de l'aide humanitaire. Regarde Papou, après, comment il fait pour vivre dans la jungle s'il coupe tout pour faire décoller des fusées, tu comprends? C'est pas des Papous, c'est des Raoni qui chantent avec Sting. Bon, Tony, ça suffit, s'il te plaît. Alors maintenant, tu vas répondre. On pourrait parler des Esquimaux et du peuple Inuit aussi, hein. Tony, tu vas répondre. Tony, il n'y a pas Tony, alors il ne répond pas. Hein. C'est ouais, mais c'est Capitaine Turc, c'est Tony. Alors je suis désolé, j'ai bien reconnu sa voix. Non, presque pas. Tu te trompes, hein. Ouais, c'est ça. Bon, alors, pour te répondre à ta question, je dirais que tu parlais des lieux, en fait. En fait, ça dépend des... je crois que les États-Unis, ils envoient depuis Cap Canaveral. Mm-hmm. Les Français, ouais, c'est Kourou. Et les Russes, c'est Baïkonour. Non, c'est pas du tout ça, ils viennent tous sur le même pas de tir. Ah non, ça je peux vous dire que non. Non. Pour une fois qu'il a deux bon, ouais. Toi, fais ton standard et tais-toi. Non, non, mais c'est ça, je me suis renseigné, c'est ça, c'est Baïkonour, hein, les ouais, rues. C'est ça. Non, c'est vrai, il a raison. Mais oui, allez. Petit ovni. Moi, je déconseille fortement d'assister à un décollage de fusée. Tu peux préciser, alors? Parce qu'une fois, j'ai assisté à ça et je me suis fait cramer direct. Ça lui m'a emmené à l'hôpital, tout ça. Non, alors déjà une. Attends, excuse-moi, petit ovni. Déjà une. Tu n'as pas le droit d'être au moment vers le point sur le point de tir. T'es vachement loin. Vachement loin, mais j'ai quand même été cramé. Non. De toute manière, quand. Après, hôpital. Oh. Ça. Non, mais là, Fildar, tu dégages. Allez, hop. Dehors. Non, pas déjà, on a besoin de lui, Gérard. Dehors. Gérard, sur IRC, il y a Ammonia qui te demande si tu connais la nouvelle station Sandmir. Non. C'est une fusion entre un tas de tôles pourries et une boule de graisse. Non, ouais, bah, lui, il va se faire foutre. Il va se faire mettre. Donc, petit ovni, je viens de te dire que de toute manière, c'est pas possible que ce que tu me dis, parce que... Ça m'est arrivé, donc c'est possible. Moi, je te dis que non. Non, mais c'est possible. Imaginons, tu vois, elle a des... je vais être un peu vulgaire, mais pas trop. Elle a des tresses, elle a des longues mèches. Hop, au revoir, petit capitaine Turc, au revoir. Au revoir. Fais gaffe à toi, petit ovni, parce que tu risques de faire comme lui. Monsieur Smotch. Ouais, monsieur Smotch. Bah, écoute, je déconseille les décollages. Moi, je pense que le risque principal, c'est les radiations. Mmh. À moins d'être muni d'un compteur GG pour détecter les radiations. Sinon, je conseille plutôt aux gens de se faire décoller la tranche. C'est vachement plus agréable que faire décoller des fusées, quoi, quand même. Je suis d'accord avec toi. Donc, alors, j'ai récupéré deux, trois trucs, là, justement, comme on parlait de l'espace et tout ça. Donc, alors, depuis quand qu'existent les conquêtes de l'espace? Donc, j'ai lu ça dans le dictionnaire et je me suis fait chier avec à trouver des trucs comme ça parce que c'était pas évident. Donc alors la conquête de l'espace, elle existe depuis le 4 octobre 1957. Mais on s'en. Et toi, si t'es pas contente, petit ovni ou comète, on s'en fout. Mais moi, je donne ce qu'on me demande de dire, d'accord? Alors si ça te plaît pas, tu raccroches ton téléphone, ça nous fera des lignes de libre. Ok. Depuis quand existe la conquête de la lune? C'est en 68, mais lequel mois et tout ça, je ne sais pas. Non, c'est pas un Drakenar de Manu, comme tu dis si bien, toi. C'est la première pseudo, ça, non? Donc, alors, d'après vous, à quoi servent les conquêtes spatiales? Alors, 57% des gens pensent que je suis le seul qui taille. Ouais, ben ça, je m'en fous. 26% pensent que je dis que sans faille. Ça, je sais pas ce que... Qui sait qui... 21% préfèrent rester cool bébé, sinon ils te diront bye bye. Ouais, c'est bien ça, c'est pas mal. Et 5% me serrent la main et me suceront après. Bah ça, j'en ai rien à foutre. Mais ça fait rire les bandes de les deux connards. Ça fait chanter les oiseaux. Ça fait la nuage et les fleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Bon, GG, pour les calmer, on va accueillir un nouvel auditeur. C'est Ariane. Il a 30 ans. Il appelle de Cherbourg. Merci Fildar. Alors tu arrêtes de faire ton bordel. Ouais, tu vas faire ton boulot correctement, d'accord, maintenant? En plus, il plie de pied. Ouais. Bah ouais, il a retiré ses pompes, ça se sent d'ici. Aïe. Ariane, ta fréquence, s'il te plaît. J'écoute sur internet, moi, en fait. Ta fréquence? Il écoute sur internet. Non, mais c'est possible, Gérard, regarde, comme avec Rigaud, les gens avec qui ils communiquent, c'est internet. Bah alors donc, pour toi, donc, avez-vous déjà assisté à un décollage d'une fusée? Non, jamais, parce que bon, j'ai pas trop que ça à foutre d'aller décoller, enfin, voir une fusée. Mais par contre, j'ai déjà regardé à la télé, ouais, c'est assez sympa, quoi. Mais bon, aller jusqu'à Cap Canaveral, ça doit coûter très cher, quand même. Bah, de toute manière, c'est Cap Canaveral ou Kourou, c'est pareil, hein. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai pas de toute manière, donc, t'as pu voir le journal de 13h et puis t'as pu voir celle qui a décollé, alors? Pas aujourd'hui. Ah bah si, il y en a une qui a décollé à 1h. Aujourd'hui, je l'ai pas vu aujourd'hui, mais j'ai déjà vu des décollages de fusées, ça c'est clair. Mmh. T'as vu quand elles explosent? Ouais, ça m'est arrivé une fois aussi. Non, mais ça, oui, c'est vrai que là, ça fait mal quand ça explose. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, ça y est, s'il vous plaît, on se calme derrière, merci. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans l'espace à midi? À midi, c'est pour mettre des satellites sur orbite. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour les moyens de communication. Ça sert à quoi les satellites? Ah ouais, c'est pour communiquer, pour avoir le téléphone, tout ça? Voilà, non, pour mieux capter. Pour TPS? Non, pour les télés, puis les téléphones, je crois, mais je suis pas sûr. Mais c'est quoi mettre sur orbite? Sur orbite, c'est des satellites qui vont mettre sur orbite dans, oui, dans l'espace. Oui, tu redis le mot sur orbite. Moi, je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien que tu m'expliques. Orbite, quoi, ce que tu c'est. Prends un dictionnaire, tu vas regarder. Bah, c'est ton débat, c'est ton job. Mais non, mais moi, c'était pas prévu qu'on en parle. Donc, pensez-vous que la... comme un petit omni, vous vous calmez, s'il vous plaît. Ouais. Ça commence à bien faire déjà toutes les deux. Bon, j'en connais une tout à l'heure, elle va virer. Hein. Pensez-vous qu'à l'avenir, nous pourrons vivre sur toutes les planètes, système solaire ou autre? On va demander à Comet comme elle s'y connaît bien. Bah, c'est pas que je m'y connais bien, mais il faut déjà que la planète elle soit viable. Et si on peut pas y vivre, s'il n'y a pas d'oxygène ou si c'est trop chaud, c'est chaud, quoi. De toute manière, dans l'espace, en principe, il fait pas... Il doit faire chaud, hein. Ouais, bah dans l'espace, il y a des machines, ouais. Non, mais plus tard, ça te dérange pas qu'on fasse... ça te dérange si je fais mon boulot sans sentir tes pompes, là, qui puent à 15 mètres? Ça va, Gérard? Gérard, je te signale que je suis beaucoup plus près de lui et que je me plains pas. Ouais, bah, dis donc, C'est parce que l'odeur est couverte par autre chose. Vas-y. Ouais, ben, faudrait peut-être avoir de la propreté dans les studios. Ça, c'est vrai. Bravo. En tout cas, je voulais dire aux auditeurs que ça fouette de partout, c'est une horreur. Alors, petite comète. Comète. Ouais, comète. Je te disais qu'il faut que la planète soit viable, mais sinon, dans l'espace, il y a des machines, et il paraît que la Terre est sublime. Non, la guerre. Non, la Terre aussi, quand même. Et donc, Gérard, il n'a pas écouté, il n'a pas écouté. Si. Non, petit ovni. Qu'est-ce que j'ai dit, Gérard? Petit ovni. Oh là. Non. Je pense qu'on peut vivre dans les autres planètes si on prend par exemple un masque à oxygène, tout ça, pour répondre à l'autre, la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. La comète. Voilà. Et je sais pas si on s'habille en tenue de plongée sous-marine là, avec la grosse bouteille d'oxygène dans le dos, ça va le faire, c'est bon. On passe sur le soleil, hein. Parce que c'est trop chaud. Non, ça m'étonnerait. On peut nager aussi dans le soleil, c'est bien. Monsieur Smotch. Bonsoir. Écoute, moi je pense que les planètes, il faut qu'elles soient habitables. Parce que sinon, ça peut pas le faire. Donc, moi je prône la couche d'ozone avant tout. Parce que c'est quand même un peu le patrimoine galactique. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais bon. Non, t'es pas d'accord? Si, Ariane. Tu peux préciser, attends, Gégé, tu peux préciser ce que tu penses du patrimoine galactique? Non, mais attends, on va punir les... On revient dessus après, alors. Ariane. Je dirais pas, là. Ouais, alors, déjà, avant d'habiter sur toutes les planètes, faudra déjà toutes les avoir explorées. Et déjà d'accord, Gérard? Il y en a beaucoup à explorer. Il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Pluton, Pluton, à côté de la planète Uranus. Ouais, c'est ça, t'as raison, continue. Est-ce que tu crois justement que c'est les seuls ou qu'il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres, mais... Très bonne question, Manu. Il y en a pas mal. Merci, Fildar. Il y en a pas mal. Gérard, quelle est la planète la plus éloignée de... Non, c'est rien. Et quelle est la planète la plus grosse? Non plus, je ne sais pas. Oh non. Alors, au hasard, on va virer Comet. Allez là. C'est bon. Déjà qu'elle avait pas envie de répondre aux questions, elle attendait que les auditeurs répondent pour répondre. Alors donc, comme ça, elle pourra répondre chez elle. Bon, Gégé, alors tu me réponds à ma question? Bah attends, Ariane n'a pas fini. Alors, donc, si, moi, j'ai fini, moi. Si. Donc, alors, moi, je peux vous dire une chose. Que pensez-vous de l'avenir? Nous pourrons... Il arrive. Il se promène. Non, mais ça y est. C'est pas très bien géré, pour déménager. Alors, pensez-vous qu'à l'avenir, nous pourrons vivre sur toutes les planètes système solaire ou autre? Ben, moi, je peux vous dire que non, parce que déjà, le système solaire, c'est des trucs qui sont assez compliqués à gérer dans l'avenir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui sont sur maintenant, qui se fait beaucoup par système solaire. Des immeubles, tout ça qui se font par système solaire, et c'est avec le soleil que ça chauffe. Voilà. Donc, cinquième question. Aimeriez-vous avoir un job sur une autre planète, boulanger, etc.? Et on va s'écouter les explorateurs d'Anus avec ma gueule, c'est pire qu'un caractère. Ma gueule, tu me le refais, hein, depuis le début. Ouais, depuis le début, là. Les explorateurs d'Anus avec ma gueule, c'est pire qu'un cratère. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, c'était les explorateurs d'Anus avec ma gueule, c'est pire qu'un cratère. C'est pire qu'un cratère. Donc on récupère. Donc on est toujours sur Fun Radio. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Le Minitel 3615 4 Fun Radio. Qui fonctionne bien ce soir. Direct. Et toujours l'internet www.fr. Oui, c'est Rigo qui vous attend. Et alors attends, faut que je retrouve parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la définition d'une comète vu que t'avais pas l'air de savoir ce que c'était. Non, pas une comète, c'est un orbite. Orbite. Ouais, c'est orbite, c'est pas une comète. Ah ben on va chercher alors. Ok, oh, super. Non mais je suis en train de chercher comète, ça m'énerve parce que je l'avais mis de côté. Bah sinon c'est pas grave. Et bah je te le dirai dès que je retrouve, je te dis ça. Qui c'est qu'on récupère justement à la place de comète? Ouais, alors on a Ariane. Non, ça y est, on l'a. Bah, oui, moi, j'étais ah ouais, non, pardon, Bishop, 38 ans, de Poitiers. Oh, Bishop. Bishop. T'as déconné, Bishop. Hein. Il manque plus de critères, sérieux. Bonsoir, bonsoir, la touche. Ouais. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît. Caporal X. Champ 1.7. Hudson, tu déconnes aussi. Combien? Champ 1.7. Ouais, ok. À Paune, fais gaffe derrière. Toi, tu te tais, s'il te plaît, Ryan. S'il te plaît. Ah non, c'était pas moi qui ai dit ça. Alors, la question, c'est, aimeriez-vous avoir un job sur une autre planète, boulanger, etc.? Alors, Bishop. Bah, écoute, moi, je suis homme de ménage, enfin, sur la Terre. Et j'aimerais bien faire homme de ménage sur Mars ou sur l'autre planète, le Neptune ou le Pluton ou autre planète, quoi. Mm-hmm. Parce que ici, Paris, c'est pollué, il y a plein de fumée. Ah, bah, ça. Bruyons. Et puis, chapeau. On a chapeau un petit peu. Mm-hmm. C'est un toxique. Ouais. Je suis sûr, sur Mars, avec une atmosphère, tout ça, ça serait bien. Gérard, sur Minitel, il y a Max le Belge qui me dit qu'en fait, il y a une tradition sur les autres planètes, c'est de prouter à la tête du sexe opposé. Je sais pas si en ce moment ils ont. Je sais qu'ils ont fait partir des femmes à un moment donné. Dans l'espace, mais ouais, je sais pas. Pour prouter, justement, je crois. Ouais, mais on sait pas encore. Et Gérard, dans Apollo 13, là, que t'as vu le film, il va sur quelle planète? Il va sur... Apollo, je crois. Non, je sais même plus sur laquelle planète. Tu l'as pas regardé? Si, je l'ai regardé, mais je me souviens plus sur quelle planète. Ah, bah, t'as bien dû voir le film. Petit OVNI. Il regarde même pas les films qu'on lui prête, c'est vraiment inondé. Abusé, quoi. Ouais. Je l'ai regardé, mais je me souviens pas de la planète. Et même pas la location, en plus. Petit OVNI. Je pense que ce que je ferais sur une planète, je sais pas, ouais, boulangère, pourquoi pas. Ben... Je prendrais des croissants de lune. Mmh. Grosse miche. Super. Sinon, magasin de souvenirs, pourquoi pas. Ouais. Et je sais pas, éboueur, peut-être il y aura des égouts plus tard, je sais pas. Ouais, non mais, je pense pas, mon... c'est fini là, tous les deux, au standard. Ah, il se touche la bite. Éboueur, je veux dire, petit OVNI avant que je revienne à Monsieur Smotch et à Ariane. Éboueur, ça m'étonnerait parce que ce qu'ils ont à manger, c'est des trucs qui sont sous vide. Et ils mettent ça et après, dès qu'ils atterrissent sur Terre, la navette est lavée. Je veux pas être genre trop scato, mais comment ils font caca dans l'espace? Justement, c'est. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé aussi sur la planète. Ouais, mais justement, c'est. Ouais, mais. Tu peux nous parler de la diarrhée en apesanteur. Ouais, mais ça, justement, c'est ce que je me demande aussi. C'est. Mais moi, il y en a plein au standard qui me disent que c'est comme chez toi. C'est moucheté au plafond. Attends, au standard, ils disent ça alors que t'en prends pas un seul. D'accord? Si. Ah, si. Et Gérard? Hein? Les filles, elles ont leurs règles. Comment elles font, elles? Ouais, c'est bien. Il y a le. Non mais ça je peux pas te dire, petit OVNI. Il y a le fil qui. Monsieur Smotch, pardon. Je voulais. Excuse-moi, Monsieur Smotch, je voulais revenir sur un truc. Est-ce que t'as vu le film Total Recall, Gérard, avec Schwarzenegger? Mais c'est pas le thème du débat. Alors arrête tes conneries. Si, ça rejoint un peu. Si, c'est la conquête de l'espace parce qu'il habite sur Mars. Ouais. Ouais. Et en fait, sur Mars, il y a pas d'oxygène et donc ils sont obligés de vivre dans des cahutes à oxygène. Espèce de beau bungalow. Ouais. Des paillotes. Et est-ce que tu penses que ça va être comme ça sur toutes les planètes dans On n'en sait rien. Est-ce que Elephant Man, c'est l'histoire vraie ou pas? Non, ça, je sais pas, je peux pas te dire. T'avais qu'à regarder le film quand il est passé. Monsieur Splotch. Monsieur Splotch, oui, bah écoute, moi je suis foreur, je suis spécialisé dans le forage. Donc, moi je serais partant pour faire foreur sur Uranus, quoi. Donc, pour rester dans la branche, quoi. D'accord. Voilà. Ariane? Oui, bah alors moi, aller bosser sur une autre planète, carrément pas, parce que pour l'instant, il n'y a personne sur les autres planètes, donc je vois pas trop l'utilité, en fait. Faux ! Déjà que sur Terre, t'as du mal. Ok, alors, à quel âge peut-on conquérir ? Oui, très bien. À quel âge peut-on conquérir... C'est géré. À quel âge peut-on conquérir l'espace? Alors 49% des gens le faisaient à 3 ans. 16% le feront après s'être dépucelé avec moi, ça m'étonnerait. 15,9% répondent, mais je n'ai pas honte de réveiller les gens à 7 heures. Alors ça, c'est pas moi qui les réveille, c'est au standard. Et 12% sont à l'étranger. Donc voilà ce que je pouvais dire de plus. Gégé, tu parles de l'étranger. Est-ce qu'il y a des pays étrangers sur les autres planètes? Bah oui, parce qu'il y a des astronautes qui viennent de l'Amérique, tout ça. Et donc ça fait des pays étrangers? Ben, dans l'espace, oui. Ah d'accord, il y a des continents aussi, tout ça? Non, je pense pas. Deux Français qui ont été dans l'espace. Ok, t'as tout capté. Okay. Et ils parlent quelle langue sur les autres planètes? Ah là, je pourrais pas te dire. Martien et tout, comme ça. Non, avec les Américains, je sais pas comment qu'ils arrivent à communiquer entre eux, parce que c'est pas évident quand ils sont dans le truc pour communiquer. Hein. Ils parlent peut-être par geste. Ils engagent des signes. Hein. Ils font des non, signes. Non, non, non. Pourtant, ils ont des micros. Ouais, ils ont des genres de micros, mais je sais pas comment qu'ils arrivent à se communiquer entre eux dans le vaisseau. Dans le Cosmis. Rigo. Alors, il y a plein de questions. Déjà, il y a je sais plus qui voulait savoir si les nains de quelle planète venaient les nains de jardin. Alors, les nains de jardin viennent pas d'une planète, donc c'est pas la peine. Les débats, c'est pas les nains de jardin, c'est l'espace. Ils viennent de la forêt d'Endor. Donc, après Ah, bah, c'est tout à fait ça. Donc, il n'y a pas de planète pour les nains de jardin. Ok, ils viennent de Rey d'Hydro. Sinon, d'accord, Bichot. Ça y est, on a compris. Il y en a pas d'autres? Ah Minute. si, y en a plein. Mais faut que je les retrouve à chaque fois parce que ça défile trop vite. C'est pas grave, tant pis. Bon, sur le Minitel, non? Sur Minitel, si, mais je peux pas les dire. Ouais, si ça parle de 110, c'est pas la peine. Donc c'est bon. Alors, on en était. Qu'est-ce que t'en penses toi de la question, Gérard? Personne. Non, mais moi, je voudrais bien avoir un petit job sur notre planète. Et tu ferais quoi, toi, justement? Moi, je serais charcutier. T'as de la bonne barbaque, en plus, hein. Ouais. C'est bon, hein. Moi aussi, je t'aurais bien vu fourreur, tu me diras. T'as non, charcutier, ça suffit. On t'aurait plus vu fourré. Ouais. Le roi du boudin. J'ai répondu. Donc, seriez-vous prêt à faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Ok. Alors, petit ovni. Ça va être con comme question, non? Donc. Attends, Ariane! Non, attends, c'est vrai que. Ariane! Ariane! Ariane! Oui, j'écoute. Tu te calmes ou sinon tu vires? Moi, je sais pas, pas de problème. Hein. Ok? Ouais, donc c'est pas pour t'embrouiller, mais géologiquement parlant, le tour du monde, il est fait sur Terre. Donc, par rapport aux planètes, je serais pas prête à le faire parce que il se peut qu'il y ait des Martiens qui m'empêchent sur mon chemin. Je pense aussi que si je passe par la Lune, je verrai des cratères. Bon, voilà quoi. Ouais, mais ça, des cratères dans l'espace, ça m'étonnerait. Hein. Sur la gueule, ouais. Des cratères dans l'espace, ça m'étonnerait. Hein. Pourquoi c'est où les cratères? C'est sur Terre. Hein. du côté de. De quel côté, ouais? Clermont-Ferrand. Justement, il y a une auditrice qui est de Clermont-Ferrand, donc il y a des... Tu dis ça parce que bébé Rose, elle est de Clermont-Ferrand, c'est ça, Gérard? Non, pas du tout. Là. Ok, c'est Gérard. Alors, Ariane... Non, c'était pas Ariane. C'était qui? C'était pas moi. Non. C'est comme merci, mon pote Diderot. De rien. C'est qui? Je sais pas, c'est pas grave, vas-y, juste demander à Bishop, tu pourras m'apprendre le truc avec le couteau? Pas de problème. Trop de private. Pas de problème, Juste sur parler de la Terre, il y a Turpentine, elle te demande si t'as déjà vu une équiste de soleil. Non. Une éclipse, pas une éclipse. Mais ouais. C'est une éclipse. Toi, t'as deux équistes de lune, non? Ariane, au revoir. Allez. Par contre, en parlant de l'éclipse, là, va pas avoir un truc, là, avec le soleil, Gérard, le 11 août bientôt, là, t'as pas vu ça aux infos? Non, j'en ai pas encore pris connaissance. Ouais, je sais que ce que tu veux me dire, c'est, ça va être une nuit, carrément, une nuit en plein jour, ouais. Non, qui sera diffusée sur une chaîne de télé, et qui vont voir les éclipses et tout ça. Ouais, il me semble, mais je me souviens, je sais que c'est au mois d'août, mais j'ai pas les dates. C'est le 11. Donc, Monsieur Schlop. Tu l'as viré, Gérard. Donc, à la place, on accueille Yuri Margarine. Il a 27 ans. Il est de... T'es de quelle ville, Yuri? Je suis d'Amiens. Voilà, Amiens. Chalou. Salut. Salut. Chalou. Amiens, c'est quelle fréquence? Amiens, c'est 102.8. Ok. Tu me vires... Non. Oui. Au standard, vous me virez Ariane hein, aussi. Ah, c'est fait, Gérard, c'est fait. Alors, donc, Youri, je vais te répéter la question. Oui. Donc, seriez-vous prêt à faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Donc, à toi. Alors, un tour du monde dans l'espace, oui, je serais prêt avec un ballon, mais un ballon de rouge plutôt, là, parce que tout seul dans l'espace, on s'ennuie, donc il faut avoir de quoi un peu boire un petit coup, quoi, parce que dans l'espace, on est seul, hein, et c'est le vide intégral, donc en ballon avec un ballon de rouge, ouais, je ferais bien le tour de l'espace. Ouais, tu veux dire une montgolfière. Voilà, montgolfière, je t'en prie. Non, mais montgolfière. Ah, pardon. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. En plus, on appelle ça des montgolfières, mais normalement, c'est des ballons dirigeables. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Gérard, et merci de me l'avoir appris, je ne sais pas. Eh ben ouais, et donc, Bishop. Moi, je préférais faire avec une fusée, hein, c'est plus facile. Mm-hmm. Et j'irai sur la Lune, j'irai un petit peu partout pour voyager, parce que je suis un grand immigrant. J'irai bien aussi sur Saturne, là, pour voir l'anneau, je trouve ça très magnifique. Ouais, mais ça c'est sûr que est-ce que ceux qui partent là pour réparer des satellites tout ça, ils font quand même le tour de la Terre. Hein. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ils vont même sur la station Mir. Hein. Bah oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure là, justement, ils sont en train de réparer les faisceaux qui sont pétés. Non, mais ils peuvent pas réparer, c'est de la merde. Ça, attends, Bishop. C'est la DAC qui fait ça. Attends, Bishop. Il y a une question que je me pose et que, à mon avis, tout le monde se pose. Oui, je la pose aussi. Mmh. C'est comment font les objets dans l'espace pour tenir en l'air, sans tomber? Ah. Ben, c'est qu'ils ils sont toujours maintenus avec de l'air. Un fil. Non, ils ont de l'air toujours avec eux. Ben, ça tient toujours avec de l'air. On me dit sur Minitel dans un petit sac à dos. Ouais, non. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Moi, faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Ben, comme je disais à Yuri et Margarine, donc c'est avec un ballon dirigeable, c'est deux fois mieux. Ouais, mais tu pourras pas y aller avec Sandy. Ben, si, tu peux. Il la gonfle. Il a rien à faire. Alors, petit Gérard, attends, juste avant ta question, il y a Snus qui a une très bonne question. Il te demande combien mesure l'espace. Bon, là, je sais pas du tout. Oh la vache, la question de merde. En mètres. Non. En mètres. Et là, j'ai dit une chose que je peux pas y répondre parce que je sais même pas combien que ça mesure. Alors. Non. GG, on a un nouvel auditeur, c'est Johan, 24 ans de Dinan. Salut Gérard, c'est Johan, 24 ans de Dinan. Johan. Oui. Johan. Chalou, Johan. La fréquence. C'est le 108.3. Ok. Donc, t'as entendu la question? Non, Gérard, je suis désolé. Seriez-vous prêt à faire le tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Je vais préférer la fusée au 4x4. Mmh. Et puis, le tour du monde en espace, je veux bien. Ouais. Si c'est s'il y a la clim, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Bon, alors, donc, j'ai répondu, moi, de toute manière, c'est ce que j'avais dit à Yuri, c'est avec un ballon dirigeable, c'est aussi bien. Comment se déroule une journée dans l'espace? Ouais. Alors, Johan. Oh, t'accélères, là. Ouais, oh. Eh bien, Gérard, ce qu'il faut que tu saches, c'est que... Tu fais ton standard, parce que pour l'instant, tu ne prends personne. Ok. Je vais prendre un peu, là. Alors, Johan. Je disais, Gérard, que dans l'espace, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit. Non, mais comment se déroule une journée dans l'espace, c'est-à-dire quand ils sont dans leur fusée? Bon, d'accord. Donc, le matin, ils se lèvent. Mmh. Enfin, ils se détachent, en fait, pour pas tomber de leur lit, parce que ils dorment en apesanteur. Ouais. Ils ont la gaule, toujours. Ouais, toujours la gaule, le matin. Ah, c'est bon, ça. Hein. Et après, ils prennent une petite douche. Comment ils peuvent se laver dans la fusée? Bah, je sais pas, j'aurais bien qu'ils me disent. Ouais, moi aussi, je voudrais bien que tu m'expliques. Comment on se lave? Tu prends un gant avec de l'eau, tu mets du savon et tu frottes, quoi. Voilà. Dans l'espace, ça doit être à peu près pareil. Mais l'eau, ça mouille pas dans l'espace, elle tient pas sur la peau. Ils ont des lingettes. Ouais, je pense. Comme Gérard, des couches. Fuldar, tes réflexions, tu t'es clair ou que je pense, s'il te plaît, merci, et t'éteins ton micro. Je crois d'ailleurs qu'il en a pas ce soir. Yuri Margarine. Dans l'espace, ça se passe un petit peu comme sur Terre. Le matin, quand le soleil vient de se lever, il y a l'amiral Corée qui frappe à la porte. Il est avec sa commission spatiale. Il leur fait un petit café. Un café lyophilisé, bien sûr, hein, parce que tout est en poudre là-bas. Donc les toasts sont en poudre, le beurre est en poudre. Mmh. La confiture est en poudre, ils mettent ça dans un verre, ils mélangent au shaker, et voilà, petit déjeuner enfilé, puis après, la journée déroule, hein, normal, quoi. On crache dans la tasse et c'est parti. Non, mais faut se dire une chose petit ovni, je répondrai après. Petit ovni. Ouais, je sais pas quoi dire, ils ont tout dit, ils ont totalement raison. Ouais, donc, on se lève le matin, il s'étire bien, et je sais pas, après, voilà, ça se passe, la journée, cool. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, mais c'est pas grave, c'est Pildar qui fait des conneries. Vas-y, Pildar, il va dégager des studios, ça va aller plus vite. Bishop. Ah oui, l'espace, c'est un petit peu la merde, hein. Il n'y a rien à faire, c'est tout noir, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas le câble, ils passent leur temps à faire des cabrioles, c'est le langage des signes, il y en a à moitié qui sont homosexuels, qui veulent toucher l'habitat à un autre, l'autre lui fait des doigtés, je fais non, il n'y a pas de ça ici. Après, non, Bishop, quand même pas à ce point-là. Ah si, des fois. Mais de manière, attention, il faut bien se dire une chose. C'est pour ça qu'ils emmènent des hamsters dans l'espace. Ouais, hein. Tout à fait. Ouais, mais ça, c'est. Maintenant, c'est. Je crois que. Maintenant, c'est terminé, ils n'emmènent plus d'animaux avec eux. Ça, c'était tout au début qu'ils en avaient amené, mais maintenant, c'est terminé. Hein. Alors, ils emmènent des limaces, hein, je crois, pour l'étude des limaces en apesanteur, parce que je crois que l'avenir de l'humanité dépend de ça, de savoir comment les limaces réagissent dans l'espace. Non. Comment se déroule une journée dans l'espace? Bon, ils sont toujours aussi, je pense qu'ils doivent avoir des moyens de communication entre eux, donc bien sûr, avec, pour ceux qui sont américains, tout ça, donc ils arrivent à se parler normalement. Pour les Français, c'est pas évident, mais ils arrivent quand même à comprendre parce qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Mais c'est vrai que normalement, je pense qu'ils doivent communiquer aussi avec sur Terre avec des systèmes spéciaux. C'est-à-dire? C'est pas le genre talkie-walkie, mais je crois qu'ils ont des systèmes de communication pas comme nous. Des portables? Non. Je crois que c'est des MyForce Sony. Non, je sais plus ce que. Pendant que je me renseigne. Gérard, je me pose une question avec la Dream Tease. Comment font les mecs qui partent dans l'espace? Ils ont un entraînement ou c'est inné? Justement, alors quand je te demande si je peux laisser cette question-là, justement, c'est ce que je voulais poser. Alors attends. Mais quand? Bah attends, tu m'as viré une question, donc je la mettrai. Et c'est tout, ça t'apprendra à vouloir faire ce... À la place de peut-on attraper des maladies dans l'espace, je vais mettre... Faut-il passer des examens pour aller dans l'espace? Non, un entraînement, c'est pas un examen. Attention. Non. Les examens médicaux, ils sont des entraînements, donc ils sont obligés de passer une visite médicale, je suis désolé. Mais oui, mais je te parle des entraînements, pas des examens médicaux. Oui, ils ont des entraînements. Des entraînements de quoi? C'est ça qu'on veut savoir. On sort des examens, nous. Ils font des tempes, ils font. Non, ils ont. Ils font des gants. Non, ils sont dans un genre de secoupe et ça tourne. Pour savoir si vomi, s'ils tiennent ou pas. S'ils tiennent le vomi ou pas. Ouais, arrête de dire des conneries, parce que toi, tu commences à me les gonfler avec tes pieds qui puent, d'accord? Alors tu vas remettre tes pompes patins et tu vas arrêter. Ok? Ou sinon t'es viré. Gérard, donc pour calmer le truc, sur Minitel, on me demande si tu penses que la Valstar elle a le même goût en haut que sur la Terre. Non, pas du tout. Alors à propos d'astronautes, il y a des V1 sur l'IRC. Il te demande si c'est vrai que quand un astronaute se pose sur le soleil pendant la nuit, combien de temps ils disposent pour pas être brûlés avant que le jour revienne? Non, parce qu'ils ont des combinaisons spéciales. Pour aller sur le soleil? Ils ont des combinaisons qui sont épaisses à peu près. De combien? Je crois que ça doit être une trentaine, 30 à 50 cm d'épaisseur. À peu près. Hein. À peu près, hein, mais je suis pas sûr. Pas mal. Hein. Sur quelle planète pensez-vous que la vie est le plus facile? On va demander à Bishop. Ouais, moi je crois que c'est quand même sur la Terre où l'air est le plus respirable. Ça dépend où, hein? Ah mais non, mais je trouve que sur la Terre c'est bien, hein. Il n'y a pas à se plaindre. Vas-y, si t'es pas content t'as qu'à aller à Saturne. Tu ramènes ton bébé rose, tu ramènes tout le monde là. Saturne. Ah oui, Saturne, oui. Il y a l'Uranus, c'est la merde aussi, Jupiter, je t'en parle pas, avec les pluies acides qui brûlent au troisième degré. Donc c'est même pas la peine, on est bien sur la Terre, restons bien. Même s'il y a des soucis, si tout n'est pas réglé, là, je regardais encore les informations tout à l'heure, et il parlait du Kosovo. Mais ça, de toute manière, on n'y peut rien. T'as vu ce qui est arrivé à Manchester hier? Ouais, mais ça, moi, des matchs de foot comme ça, moi, ça me plaît pas, ce foot, là, alors. Ah, d'accord. Et Yvo Corona, rends-toi la police, si c'est possible. Ouais, ben ça, on s'en fout. Si t'as suivi les informations, donc t'as bien vu à 13h le décalage de la fusée. Décollage! Il y a eu un petit peu, parce qu'il déviait de 3 mètres. et voulait l'envoyer sur la Lune et le parti. Non, mais dès qu'il décolle. Oui. Il décolle normalement et après il faut un débit sur la droite pour partir plus loin. Oui, mais c'est la merde, ça, les ingénieurs français, là, c'est la merde. Non, mais c'est à Kourou, hein. Je sais même pas si c'est à Kourou que ça s'était produit, c'est même pas où je cours, mais ça. Non, ils ont tiré à Maubeuge, ce coup-là, parce que c'était complet à Kourou. C'est ça, t'as raison, ils vont à la Maubeuge aussi, toi. Non, mais ça, ouais, il y a des gens qui je t'en haut. C'est toi qui vas aller à Maubeuge tout à l'heure. C'est nous qui payons tout ça. Pour un clair de lune à Maubeuge, c'est pour ça qu'ils tirent là-bas. Ouais, mais ça, c'est vrai que de toute manière, c'est nous qui payons avec les impôts, hein. Ouais, mais avec les impôts, c'est, en fin de compte, tout ce qui se passe là, les décollages de fusées, tout ça, c'est nous qui payons avec les impôts. Hein. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que c'est normal, ça, toute cette merde là? Ah non, mais moi je préfère qu'ils envoient un percepteur dans l'espace. Hein. Comme ça. Putain, moi je suis un pauvre émigré, mon fils il se drogue, il fume du cachiche. Et moi je cautionne pas de toute cette merde là. Moi j'essaie de mettre de l'argent de côté pour travailler, tout ça, je travaille dur. Donc moi je comprends pas tout mon pognon il va au Kourou là. Kourou pour la fusée qui soit déviée. Ça y est, c'est bon. C'est la merde là. J'ai une bonne question d'Aïsti. Il te demande l'espace, ça a quelle forme? C'est rond, carré, c'est rectangulaire ou alors ça en forme de tête de bite comme toi? C'est rond et c'est tout. C'est rond? Ouais. L'espace, c'est rond? Je sais même pas. Et moi j'ai une question Minitel pour revenir, tu sais, tu parlais un peu de l'entraînement tout à l'heure. On me dit que toi en fait t'aurais pas pu partir dans l'espace parce que tu sais ça fait comme les pilotes de chasse quand ça accélère trop. En fait tu te prends des jets dans la gueule et ça fait exploser les dents pourries et les kystes. Alors celui qui t'a dit ça, tu lui dis que c'est un petit con. Ok, t'es un petit con Max le Belge. Ah ben ça m'étonne pas de lui. Max le Belge. Voilà. Rigo parce que. Sondage. Bah ouais, sondage là plutôt. Ouais. Bah c'est le dernier donc ça va aller vite. Pensez-vous que pensez-vous que la vie est plus facile dans l'espace? Alors 83% des gens répondent pour aller aux toilettes ça sera dur, ça c'est vrai. 55% disent que l'espace c'est plus pratique que la Clio. Alors ça, c'est pas mal. 36% des gens pensent que c'est pas facile. Facile d'être un gros cochon. Ouais, ben, ils pensent à dur d'être un bébé. Et 12% des gens pensent que c'est à nous d'inventer la vie qui va avec, ouais, si on veut. C'est ça, l'espace. Voilà. Donc, dernière question. Oh là là. Non. Il est fou. Non, Gégé, elle est partie se coucher parce qu'elle était un peu malade. Alors, comme il nous reste un peu de temps, je vais profiter de ce temps qui m'est imparti pour poser une question de Dan Naza. Il te demande, quand t'es perdu dans l'espace, comment on sait si on avance, si on recule, si on monte, si on descend ou si on t'encule? Ça, je réponds pas sur des questions bidons. Faut faire des bulles. Je sais, moi. À la place, Gégé, on accueille Captain Flotte, 30 ans de Nancy. Oui, bonsoir. Salut Capitaine. Bonsoir, c'est le Capitaine Flotte, Nancy 97.5. Bonsoir Gégé. Bonsoir. Bonsoir. Pour répondre à la question d'Origo, là, ouais. Je voulais dire qu'il y avait un film là, qui était passé sur Canal Plus où il y avait un astronaute qui sodomisait un extraterrestre. Mm-hmm. Et en fait, le titre du truc, c'est vous entendrez pas crier dans l'espace. Hein, c'est même sodomisé. Hein. D'accord. Voilà. Ok, Capitaine Flotte. Bah oui, est-ce que tu peux me répéter la question, Gégé? Alors au standard, ça fait 5 points. Pas tout faire en même temps, c'est pour ça. Non, mais au standard, ils savent les questions, donc ils ont qu'à vous les dire au fur et à mesure, parce que j'en ai marre de les répéter, parce que c'est une perte de temps. Mais comme on est un peu en avance, mais ça me... Tu l'aurais déjà répété si tu arrêtais d'en parler, tu vois. Alors sur quelle planète pensez-vous que la vie est plus facile? C'est plus agréable? Non, est plus facile. Ah, plus facile. Bon, ben moi je dirais que plus facile, c'est quand même, comme disait un auditeur tout à l'heure, les conditions terrestres. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque. Equinox. Ah, Equinox, pardon, Equinox. Donc, tu veux réagir sur ce que Bishop disait. On peut parler du solstice d'hiver, tout ça, sacrifice de poulet, tout ça, on peut. On peut, et ça, c'est sur la Terre, ça marche le mieux quand même. D'accord. Nouveau douche spatiale aussi. Yuri Magarin. Moi, je suis pas trop d'accord avec les auditeurs. Je pense que l'endroit le plus sympathique pour nous dans l'espace, c'est les trous noirs. Hein. Les trous noirs sur Terre, les trous noirs dans l'espace, hein, ça reste vrai. Mm-hmm. Je fais gober la bite, là, c'est bon ça. Bah, ouais. Donc, pour toi, c'est ça donc? Ah, ben moi, c'est finir dans un trou noir, c'est un peu un aboutissement. Hein. Mm-hmm. Un bon gros trou noir, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais y venir, en revenir, y retourner, en retourner, repartir. On l'avait déjà fait tout à l'heure, celle-là. Et Joanne, pour terminer. Je suis d'accord avec mes camarades pour dire que c'est sur la Terre que c'est mieux, quoi. Ah. Je ne sais pas si. si sur Mercure les conditions pour, tu vois, faire des câlins, machin, c'est aussi bien, mais bon, sur la Terre, c'est parfait, quoi. Je vous l'ai dit, je suis pas ton camarade, mais mes camarades, c'est les mecs du chantier. Ah, d'accord. Le chantier. D'accord. Donc dernière. Et toi moi personnellement, est-ce que la vie est plus facile dans l'espace? Je crois que c'est nous niquer. Donc on est oublié. Ça lui aurait peut-être fait plaisir. Hein. Non, ça je peux pas te dire parce que je ne sais pas combien que ça coûte exactement. Et puis je sais pas combien coûte pour faire décoller des fusées. Je sais pas. Ça coûte du pognon. Ouais, c'est clair. Normalement, c'est pas donné. Hein. Déjà rien qu'à. Est-ce qu'il y a des écoles de l'espace? Justement, je si pas. L'académie du professeur Procyon. Non, mais est-ce qu'il y a des écoles dans l'espace? Ça, je peux pas te répondre à ta question. Mais la NASA, c'est ça. Non, mais des écoles de l'espace, je pense pas. Hein. Rigo, ouais. Non, c'est que les conclusions là, parce qu'ils en ont marre de ton débat pourri, Emile. Dans ce cas-là, ils attendront les conclusions parce que c'est pas fini. Ouais. Ah, non, par contre, non, je suis désolé, il y avait une question de Totor que j'avais pas vue. Il reparle des trous noirs et demande comment on fait pour boucher les trous noirs, celui de S.. Par exemple. Ah lui, hop, j'y répondrai pas comme ça. Sa question elle est vite réglée à lui. À quel moment de la journée peut-il jour ou nuit dans l'espace? Donc, Joanne. À quel moment de la journée c'est le jour ou nuit? Bonne question. Mais ils vont peut-être réfléchir, hein, parce que là, c'est dur comme question à remettre à risque. Ouais, j'ai choix à fond. On est à ce cas, bon, alors donc, réfléchissez à cette question et on va répéter encore une fois, parce que... À quel moment de la journée fait-il jour ou nuit dans l'espace? Et on va s'écouter les cosmonautes bilingues avec... j'ai un gros scaphandre à tresser à la maison. Alors là, celui qui s'amuse à mettre des disques pourris comme ça... C'est un vrai disque, hein. Ouais, c'est ça. C'est une nouveauté fun. Les débats, pas de radio, mais pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter les consommateurs, les cosmonautes, pardon, bilingues, avec j'ai un gros scaphandre à tresser à la maison. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 pour le deuxième débat qui va porter sur l'équitation. Et là, on va terminer le débat sur l'espace, ouais. La conquête de l'espace, ouais. La conquête de l'espace avec Bishop, toujours là. Juste avant que tu aies raquette sur Minitel, on me dit que tu pues autant que Chewbacca. Non, ils vont se faire foutre avec leurs conneries. D'ailleurs, ça, on me dit que tu transpires autant. Oui, bah, c'est bien. On est combien sur l'IRC? Donc, on est pas mal monté, on est 7479. Waouh. Bon, bah, ça va. Et c'est... Oh non, putain, ça craint. Bon, bah, c'est pas la peine. Donc, on récupère Bishop, toujours là. Salut. Capitaine Flop. Oui, tout à fait. Yuri Margarine. À tes ordres. Et Joanne. Je suis douce amie Joanne. Et voilà, donc, Bishop, tu peux répondre à la question. Au fond, comme une pseudo. Oui, mais le problème, c'est que je suis parti... J'avais répété juste avant de mettre le disque. Hein. Ah, excuse-moi, je peux répéter une autre fois, je te prie. Alors, à quel moment de la journée fait-il jour ou nuit dans l'espace? On m'a dit que c'était un piège, et qu'en fait, il fait ni jour ni nuit, le soleil brille, et en fait, il n'y a pas de jour ni de nuit. Le jour et la nuit, c'est sur la Terre. Eh ouais, tout à fait. Et voilà. Mais... Capitaine Flotte. Bon, bah, c'est bon, il a déjà gagné les 10 points, donc je vais pas donner la même réponse, hein. Bah, tu peux essayer le cycle immuable de la nature, on peut pas être contrarié comme ça, ça se fait pas comme ça, c'est des milliers d'années de travail. Moi, je croyais qu'en fait, ça dépendait si tout aurait été volé ou pas. Mais non, Manu. Mais non, mais justement, il y a pas de jour ou de nuit dans l'espace. Hein, alors, il fait quoi s'il y a pas de jour ou de nuit? Il fait que jour. Donc, il y a du jour. Tu dis, il y a pas de jour, il y a pas de nuit. Il fait que jour dans l'espace. Yuri Margarine, pour terminer. Ça dépend aussi s'il y a une éclipse. Mm-hmm. Je vois pas foutre la merde dans le débat là, en relançant un truc un peu de physique, mais quand il y a des éclipses, bah il fait ni jour ni nuit, c'est la merde. Okay. Et il y en a une au mois d'août là, hein, Gérard. Ouais, mais quand? Au mois d'août, le 21 août. Ah, donc c'est pas le 11 août comme tu disais, Manu. Non, parce qu'en fait elle a été décalée parce que le 11 août il y avait déjà un concert de Lara Fabian, donc ils se sont dit deux trucs le même jour, c'est beaucoup. Je sais pas la peine, ça sert à rien. Ouais. Et Joanne, pour finir. Si t'es devant ou derrière le soleil? Ouais. Derrière, il fait nuit. Bah ouais, ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. C'est devant. Ah, on pense pas des masses. Hein. Ok, bah, de toute manière, fait-il jour ou nuit dans l'espace, à mon avis, je pense pas. Hein. Non, non, non. À mon avis, j'y pense pas non plus. C'est fini. Merci, Davy One, il dit qu'il fait nuit quand il ferme les yeux. Ouais, bah ça, c'est sûr. Donc, conclusion. Conclusion du débat, Bishop. Oh, j'étais en bon débat, hein. C'était un bon débat, bien, j'ai pas tout compris, parce qu'il y a des mots, je comprends pas toujours le sens. Mm-hmm. Mais oui, c'était un bon débat. T'as bien travaillé, on sent que tu as des acquis. Et j'espère que tu continueras comme ça, toujours. Ben, j'espère. Et que tu créeras un petit peu moins, quand même. Ben, on verra par la suite, hein, on verra sur le deuxième débat comment que ça va se passer. Pas de problème, je t'embrasse. Ok, moi aussi, ciao. Capitaine Plot. Ouais, ben écoute, excellent débat. Je pense que si la NASA a écouté, je pense que tu vas avoir des propositions de job, hein, direct, parce que tu maîtrises le sujet. Et d'ailleurs, il paraît que tu as une théorie, c'est-à-dire il paraîtrait que le sperme en apesanteur retombe toujours dans ta bouche ou dans ton cul. Donc bon, si tu pouvais un petit peu approfondir le sujet et publier quelque chose, ça pourrait aider, quoi. Ouais, ben on verra. Ok. Allez, bon week-end à toi. Ouais, toi aussi. Yuri Margarine. Très bon débat, Gérard, mais c'est normal, t'es tellement space que ça m'étonne pas que tu maîtrises l'espace comme sujet, et je pense que tu es prêt pour aller bosser à la NASA, mais sans ça. D'accord. Ok, ben, je te remercie, donc ben, bon week-end à toi. Et ben, toi aussi. Ben, je te remercie. Joanne. Eh ben, c'était un très bon débat, Gérard, finalement je suis super déçue, c'est que tu m'as pas traité de salope, et ça m'a super manqué. Donc si tu pouvais me faire plaisir. Ben, toi, je te souhaite bon week-end, et puis au revoir, voilà. Ça y est, Attends, laisse-la kiffer. Non, mais il y a des conclusions. Ah, il y en a un paquet. Alors, il y a Davy One, il dit que l'espace, c'est rond toute la journée. Comme toi. Ouais, si on veut. Après. Bah, là, c'est clair. Est-ce que, GG, tu te dilates plus? Non, mais ça y est, il a une question à te poser. Tu peux les écouter, c'est quand même. C'est qui? Savoir, on parle toujours de l'espace en expansion. C'est qui, là, qui parle? C'est le capitaine Flotte, grand spécialiste. Tu te dilates plus que l'espace ou pas? Non. Est-ce que tu penses que l'univers se contracte? Non, je me dilate pas plus. C'est ça? Non, bon, quand on fait rentrer des trucs. C'est une bonne dilatation, quand même. Mmh. Ok. Ah, bah, oui. Alors. Donc, conclusion de Fesse de Babouin. Il dit que ton débat ce soir a été intersidérant. À défaut de parler des astres, on a vécu un vrai désastre. En s'intéressant à ton cas, on a pu vérifier la loi de la gravité. Les questions cons ont fusé. Ton débat s'est satellisé sur une orbite pitoyable. De grâce, Gérard, téléporte-toi une fois pour toutes sur ta planète et ne viens plus nous faire chier le jeudi soir. Bah moi, genre merde. Et c'est tout. On a dit Gérard. Ouais, mais je lui dis merde, c'est tout, je l'emmerde, c'est tout, c'est pas plus. Ok, alors écrase, fais ton boulot pour le deuxième. Il y a aussi Jet Apollo 13, il dit encore un débat nul à chier. GG devrait aller dans l'espace emmerder les aliens au lieu de nous faire chier sur Terre. Bon, n'importe quoi celui-là. Et Yankee, il dit ce soir on dépasse les limites de l'inculte et du ridicule. Viva fun, GG retourne sucer des bites sur Saturne. N'importe quoi. Alors des conclusions comme ça, tu vois, le prochain coup, tu les gardes et tu les lis pas. Bah, j'en cherche d'autres. Ouais, ben moi j'ai peur la mienne, donc très bon débat. Il n'y a pas eu trop d'embrouilles sur le premier. J'espère que le deuxième va se passer pareil. Parce que s'il se passe mal, et ben on fera plus qu'un débat par semaine au lieu de deux. Pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi, d'accord? Alors, tu t'écrases, tu fais ton standard. Et Manu, des conclusions sur l'IRS Minitel? Il n'y en avait pas, parce que ça rejoignait à peu près celle de l'IRC, en fait. Eh ben, c'est bien. Donc, tu peux balancer les deux disques. Ah, mais il n'y a pas de deux disques. Là, on en a mis un il y a 5 secondes, quoi. Donc, je ne vais pas attaquer les 10 questions de l'équitation tout de suite. Hein. Ah, bah si, hein. On ne remet pas de disques, là, Gérard, hein, c'est clair.